Toutes et tous, bienvenue sur Antenne Dimanche. Comme le jingle le dit, vos plus belles années, effectivement, sur Antenne 87, comme toujours, des années 50 aux années 95. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, hélas, je suis accompagné d'Alex. Bonjour Alex. Bonjour Loïc, bonjour tout le monde. Oui, mon pauvre, tu es puni. Oui. Tu es avec moi pendant, oui. Pendant quoi? Pendant 2h30? Oui. Oh oui. Là là là là là là. Oh, ça commence bien ton année, hein. Qu'est-ce que tu veux, j'aurais dû glisser et me casser une jambe. Mais qu'as-tu donc fait en 2025 pour mériter cette punition? C'est ça. On se demande, toi seul dois savoir en conscience. Oui, je verrai bien. Hein, je verrai voilà, bien. Fais-toi ton introspection. Elle ne changera pas pour cette année. Bah non, c'est raté. Cet après-midi, nous vous proposons un grand voyage musical à travers les continents, les peuples et les époques. Alors, on vous a sélectionné des musiques traditionnelles qui dialogueront avec la pop, le jazz, le rock, le disco et certains sons urbains. Mais toujours avec le même point commun, l'identité culturelle. Ça, c'est important, beau. Ça. Ouais, c'est vrai important. Que ça va être vraiment des morceaux très signifiants pour leur pays de rattachement. C'est vrai. Et certains morceaux vont même vous surprendre parce que ça ne sonne pas du pays d'origine. Voilà. Donc on a pas mal de beaux titres. Hein. On ira au Japon, on ira en Amérique latine, au Pérou, on ira Cuba. Faire... Ouais, aussi. En Estonie. Mm-hmm. Oh non, mais tu nous as préparé une playlist de folie. Ah oui, oui. On va pas du tout s'ennuyer. Hein. Il y a de l'éclectisme, oui. On ira aussi en Turquie, aux États-Unis, en Espagne, en Suède. J'ai réussi à enfin en trouver. Et c'est pas à bas. Ah non, c'est ça qui est bien, ça va changer. Rien à voir. En Grèce, au Brésil. Oh, tu m'as mis un peu de musique brésilienne, je te remercie. Bien sûr. En début d'année sans musique brésilienne, c'est pas drôle. Ah non. Et on ira en Afrique de l'Ouest, on ira également en Kabylie et en Espagne avec Enrico Macias par exemple. On aura du Alan Stivell et Idir. Alan Stivell, t'aimes bien, hein, déjà la dernière fois tu nous en avais mis. Oui. Hein, je sens que t'es un petit faible. Ah, pour le Celtic. Le Celtic. Ah hein, oui, ouais. Bien sûr. Non, là vraiment, je crois que nous allons passer deux heures et demie très chouettes, très divertissantes, et puis avec une vraie curiosité. Voilà, oui. C'est ça aussi qu'on aime sur Antenne 87, c'est qu'on peut aller vers des choses inconnues, et bah, c'est tout ce qu'on attend d'une radio. T'emmener vers des chemins de traverse. C'est ça. Et le pire, c'est que pour certaines chansons, vous ne serez même pas dépaysés. Parce que certaines, comme en Turquie, une a été reprise d'une chanson pop des années 80, très très connue. Ils ont fait des petites covers. Ouais, des petits covers. Comme il y a certaines chansons même où vous n'aurez pas l'impression d'être dans un autre pays. Oh bah écoute, on a vraiment hâte. Hein. Et justement, nous allons commencer donc cette émission spéciale Musique du Monde tant attendue avec Chumei Watanabe. Alors c'est un chant, enfin c'est une chanson japonaise avec Downtown Blues. Alors quand vous allez l'écouter, vous aurez l'impression d'être dans une atmosphère de film des années 70. Un peu police, un peu urbain. Voilà, c'est ça. On bat le pavé. Ouais, c'est ça, un petit peu. Ouais, je vois bien. Alors pour la petite histoire, Chumei Watanabe est un compositeur majeur des années 60-70 au Japon. Il est aussi très connu par ses musiques de films et de séries japonaises. Ça te dit rien? Non, ça ne me dit rien. Je ne connais pas tellement la culture japonaise. Moi, je connais un petit peu le jazz parce que c'est vrai qu'ils font du très très bon jazz. Oui. Mais là, les séries, je connais un peu le monde du manga. grâce à mon fils. Mm-hmm. Mais là, je n'ai qu'une envie, mais c'est c'est qu'on m'aiguille sur des choses nouvelles, nouvel univers. Bah, ça va te plaire parce que c'est du jazz. Un peu funk. Un petit peu funk. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Ouais, ça va être sympa. Ça va être assez sympathique. De toute façon, le Japon est un pays tellement surprenant. Oui, très intéressant même. Allez, on va tout de suite commencer. Je crois qu'on a beaucoup parlé. Ouais, on va écouter de la musique. On va écouter de la musique. Allez, à tout à l'heure. Radio locale. Alors, qu'est-ce que tu as pensé Bah écoute, effectivement, ça contredit tout à fait ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire vraiment l'enracinement avec le pays. Mm-hmm. On n'avait pas du tout le sentiment d'être au Japon. Hein. Ah non, ça... Pas du tout. C'est très easy listening. Effectivement, un petit peu feuilleton de série B, là. Petit truc pas compliqué, quoi. C'est ça. Ça s'écoutait pas mal. C'est pas mal. Moi, ouais. Voilà, j'adore la curiosité. Et le pire, c'est qu'on était au fin fond du Japon, début des années 70. Hein. Ouais, c'est... franchement, tu m'aurais demandé, je n'aurais évidemment pas trouvé. Tu vois, comme quoi ça sert. Mais c'est ça qu'on aime. Très sur important. Antenne 87. Tu Tu nous fais un petit rappel pour les dédicaces. Bien sûr, bien sûr. On peut envoyer des dédicaces. On se fera un plaisir de lire vos messages. Vos petites bafouilles, comme dirait notre Jeff. Oui, notre Jeff qui n'est pas là, j'espère qu'il nous écoute. Il est resté coincé chez lui à cause de la neige. Tu as bien fait, Jeff. C'est vrai que les routes étaient quand même pas terribles. Oui. En tout cas, comme tu dirais, donc petite bafouille sur antenne87.fr. Vous allez sur participer. Vous choisissez dédicace. Et puis, vous nous mettez votre petit mot très sympa pour commencer cette année, pour demander un morceau, que sais-je. Voilà, tout ce que vous voulez. Ce qui vous passe par l'esprit du moment, que c'est plein de bienveillance, et de générosité, de lumière, d'amour et de paix. Voilà. Oh là, ça va, moi, je suis partie, je suis dans mon total groove de bienveillance 2026. Voilà. Merci, Alex. Je tiens à vous apporter quelques informations sur l'inforoute pour cet après-midi. Sur la départementale 39 à hauteur de Songy, attention, la route est complètement glissante. La D12 vers Germinon, attention également, des plaques de verglas ont été signalées. Et également, près de la route départementale 14, et la route est déviée vers la départementale 977 à hauteur de Arcis-sur-Aube. Et la départementale 51, sur les réseaux, il y a actuellement EDF qui est en intervention. Donc la route est coupée et un alternat est mis en place dans les deux sens. Voilà pour la petite intervention inforoute. Prudence. C'est ça, et merci à tous les auditeurs pour les signalements. Oui, ça c'est important, comme ça on partage et c'est du producteur au consommateur, comme on dit. Voilà, directement, voilà, sans filtre. 14h42, vous êtes toujours sur Antenne 87 pour ce dimanche 4 janvier 2026, première émission de l'année. Et je fais aussi un petit clin d'œil à Michel Galabru qui nous a quitté le 4 janvier 2016. Donc petit clin d'œil, petit hommage. Grand acteur. Ce merveilleux acteur. Ouais, c'est vraiment, ouais, quelqu'un qui a illuminé tellement de films, souvent par des seconds rôles. Mais voilà, on adore aussi ces acteurs qui soutiennent les autres et qui tiennent leur place et qui ont fait une carrière complète avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de seconds rôles. Une très, très belle carrière. Ouais. Allez, je vous propose de repartir justement avec dans la belle carrière, dans les belles musiques, avec Alan Steven et Idir, avec Isal Tien, donc les Celtes. Donc c'est une petite collaboration entre la Kabylie et la Bretagne qui symbolise la rencontre entre deux cultures anciennes, la culture celte et la culture amazigh. Donc vous allez entendre de la harpe bretonne, de la flûte et une voix kabyle dialoguant dans un esprit de transmission. Donc Alan Steven et Idir vont échanger chacun. Vous allez voir beaucoup, beaucoup de similitudes. Tu vois, ils sont comme moi, ils sont dans la fraternité entre les peuples. Hein. On Exactement. Est complètement raccord en ce moment. Hein. Exactement. Mais tu nous en as déjà proposé le mois dernier. Et c'est vrai que c'est un grand, grand plaisir, cette passerelle entre deux cultures. Mm-hmm. Et ça fonctionne très bien. Les auditeurs vont pouvoir en juger par eux-mêmes. Ah oui, ça va être très beau. Ah ben, on va commencer avec Alan Sivel et Idir. À tout de suite. Salut la rime, abode de roi mazi. Yeah. écoutez Antenne 87, votre radio locale de Vitry-le-François à Sézanne. Eh oui, de Vitry à François, de Vitry le François à Cézanne, on est avec vous. Ah, c'est dur. Ah oui. Ah, l'année commence bien. Oh, peut-être un jour je ferai de la radio. Ouais, peut-être. Peut-être. Et peut-être. Si vraiment tu n'es pas doué, tu feras de la télé. Je vais essayer, je verrai bien. C'était très planant, hein, ce titre. Enfin, planant dans le bon sens du titre, du on va terme. Dire. Du terme, pardon. Ouais, moi aussi j'ai du mal. Comme dirait Jeff, il faut que je prenne mon traitement. Oui. J'ai oublié. Il a raison. Non, c'était très doux et une symbiose totale. Ah oui, c'est, qu'on aime dans la vie. La symbiose des gens qui ne sont pas faits pour s'entendre mais qui s'entendent quand même. Exact. C'est magnifique. C'était quelle très philosophie. Ouais. Oh. Ali philosophe. Mm-hmm. C'est pas ça? Ça doit être ça. Est-ce qu'on a reçu des dédicaces, Alex? Non, on a que Jeff qui nous écrit. Non, on t'écoute. Bah rien, il m'a dit qu'il fallait que je prenne mon traitement. Ça se voyait que je l'avais oublié. Il a raison, Jeff. Merci, Jeff. Ouais. Disons, toi, je te demande pourquoi t'es resté à la maison. Souhaite-moi bon courage. Hein. Allez, je vous propose cette fois-ci de faire un petit voyage en Amérique latine. Au Pérou. Ouais. Avec un... Non, c'est avant le Pérou. C'est après la chanson. Bah si, je crois que c'est un groupe péruvien, Los Golden Stars. Oui, tu as raison. C'est pas ça que tu mets? Si, non. Ok. Et justement, avec un titre emblématique de la pop latino-américaine, assez romantique hein, pour les années 60-70, c'est une chanson douce et mélodique qui représente vraiment la culture populaire de l'époque. Ouais. Et tu sais quoi? Je viens de regarder un peu sur Internet pour avoir l'air moins bête. Eh bien, je ne dirais pas, mais c'est de l'année de ma naissance. Oh là. On verra des deux qui a le mieux vieilli. Avant-guerre, alors. Oh, le salaud. Ouais, je crains que ce ne soit pas moi qui ai passé le temps. On va voir. Hein. En tout cas, ils ont une pochette un peu psychédélique. Mmh. Là, typique des années 70. Ouais, hein. Très sympa. Ben, moi, j'ai hâte. Eh ben, on va écouter ça tout de suite. Avant tout, un petit message. Encore une fois, une alerte sur l'autoroute A26 dans le sens Châlons-Reims. Un énorme accident impliquant un poids lourd. Il y a beaucoup de services de secours sur place. Donc évitez à tout prix cette route. Oui, et ne roulez surtout pas vite. Non, prudence, pas plus de 200 à l'heure. Hein. Voilà. Voilà. En dessous, ça colle. Allez, on repart en musique avec les Engine. A tout de suite. seul à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Et oui, restez toujours à l'écoute d'Antenne 87 pour ce spécial Musique du Monde, en compagnie, malheureusement pour moi, d'Alex. Mon pauvre. Hein. Bien évidemment. Alors, demande des messages de soutien. Demande aux auditeurs qui t'envoient des messages pour te tenir compagnie. Oui. Bon, moi, j'ai pas tellement accroché, tu vois. Et je disais tout à l'heure en aparté, finalement, je suis pas sûre d'avoir moins bien vieilli que ce morceau que je trouve hyper daté. Ah là oui, on était en vraiment, 67. Ouais, et c'était très très daté, je trouve ça pas si bien passé le temps. Bah disons que c'est parce qu'on n'est plus habitué à ce type de mélodie. Ouais, mais la sonorité et tout, parce que je préfère les années 60. Finalement, je préfère moi comme produit des années 60. En toute simplicité. Non mais si je le dis pas, personne le dira. Oui, alors, Alex. Je me sers moi-même, hein, que veux-tu. Bon alors, est-ce qu'on a des dédicaces? Est-ce que ça va, ta petite crise d'ego, elle va bien? Ça commence, tranquillou. Oui, ça va. Je vois. Écoute, il vaut mieux avoir une crise d'ego qu'une crise de goutte. Oui, mais c'est ne sûr. Crois-tu pas? C'est vrai, ça fait moins mal. Là, je vous propose des fois, partir... la grosse tête, ça fait un peu mal dans les portes. Comment? Des fois, avoir un peu la grosse tête, ça fait mal. On passe pas sous certaines portes. Tu peux pas mettre le casque. Allez, avant que tu me coupes, je vous propose de repartir au Pérou avec Aniceto, Isus, Fabulosos. Pardon. Fabulosos. Est-ce que tu connais? Non. Non, je ne connais pas. Mais j'apprends qu'ils vont nous offrir une descarga. Et vas-y, je te laisse faire la présentation. La descarga, ça veut dire une décharge. Mm-hmm. Descarga Fabulosa, c'est tout un programme quand même. Hein. Décharge fabuleuse. Oui. Voilà. Eh bien non, ce n'est pas ce que vous pensez. Une décharge, c'est une jam session afro-latine. Donc une jam session, c'est une séance d'improvisation autour du jazz. Et donc on va avoir effectivement tout ce qu'on peut attendre, percussions, beaucoup de cuivre et du coup beaucoup d'énergie collective. Tout ça au service d'une musique festive et totalement spontanée. Ouais, ça puisque va. C'est de l'impro. Ça donne envie. C'est marqué dessus comme le porte-salut. Voilà. Tout simplement. Qui vous salue bien. Qui nous salue en ce bien. Début d'année 2026. Est-ce qu'on a bien re-souhaité nos vœux à tous nos auditeurs? Oui. Pour une merveilleuse année. Je pense qu'on l'a assez souhaité. Pleine de tout douceur au long de la et chaleur. Je pense que c'est courant. Pas fini. Ah, on a jusqu'au 31. Oh, c'est long. Oui, on arrêtera avant, je pense. Hein. Oui. Allez, je vous propose de repartir tout de suite en musique. Et voilà, pas de surprise hein, sur ce genre de morceau. Ça mais quand même, c'était très bien. Ouais, ça donne envie de danser. Ouais, un peu rumba, c'était très très sympa. Donc j'ai bien aimé. On commence tout doucement, crescendo. Faut se mettre un peu en piste. Hein. Bien sûr. Alors le prochain titre, Alex, ça va te rappeler ce qu'on a déjà diffusé le mois dernier. Et que j'avais beaucoup salué, beaucoup apprécié. Très chouette, un vrai petit morceau de niche, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on est quand même dans la culture touareg. Donc c'est un groupe qui s'appelle Tissilawen et qui nous propose des guitares hypnotiques et un chant très habité qui est très caractéristique de cette ambiance de désert. On appelle ça un peu le blues du désert. Ouais, tout un programme. Hein. Et donc, c'est une musique profondément liée à l'identité touareg et donc à la mémoire de ce peuple. C'est vrai. Ce peuple du désert. Mais bon, ce qui est super à écouter là-dedans, c'est les guitares. Oui, ils ont une façon de jouer très épuré et profond à la fois. Et donc, on va essayer de bien dire le titre pour que les gens le retrouvent s'ils veulent le réécouter. Ça s'appelle Aitmanin. Ouais, évidemment, je n'ai pas l'accent. Aitmanine, oui, ça serait bien. En écoutant la chanson, tu as raison. Je crois que ça. Parce que toi, tu prépares bien tes playlists. Hein, tu écoutes les morceaux, contrairement c'est un métier. À moi. Ouais, voilà. Non, mais moi, en fait, c'est parce que j'aime la découverte. Non, c'est parce que toi, tu t'en fous. Non, c'est pas ça. Je sais que tu vas arriver avec des cadeaux, des surprises, et moi, j'ai envie d'être comme les auditeurs, fraîche comme la rosée du matin. Et j'écoute tous ces merveilleux morceaux que tu nous offres. Fraîche comme la rosée du matin. Oh, laisse-moi un petit peu rêver. Tiens, on a un Pierre qui nous a laissé une dédicace extrêmement gentille. Merci Pierre. Il nous écrit un message tout en douceur pour accompagner mon dimanche avec une bonne émission. Merci beaucoup Pierre. Merci Pierre. Très ça, sympa. Tu fais un petit rappel pour les dédicaces? Les dédicaces, c'est sur antenne87.fr, onglet participer, ensuite dédicace, voilà, un petit prénom ou un pseudo, et puis une petite bafouille. Tout simplement. Il y a plus tout simplement, mais la vie peut être très simple. Hein, c'est vrai. Ou pas trop se compliquer hein, parfois. Hein. Faut pas. Allez, c'est parti tout de suite, le groupe Tissilawen. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Thank you. ça donne envie de danser avec eux, de chanter, même si on ne sait pas chanter pareil. Ouais, effectivement. Non, c'est adorable, hein. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est à la fois très simple, très inspirant. Mm-hmm. C'est épuré, hein. Il n'y a quand même pas plein de d'instruments. Et ça fonctionne très bien. Et en plus, on sent cette passerelle entre les âges. Oui. C'est-à-dire quelque chose de très culturel et en même temps totalement contemporain. Oui. On adore. Ça s'écoute à n'importe quel moment de l'année. Ça s'écoute tout le temps. Ouais, oui. Et puis vraiment, ça fait appel à différentes sonorités. Oui. Je pense que plein de gens peuvent se retrouver dans ce style de musique. Voilà. Ah oui, bien Donc sûr. Donc n'hésitez pas à écouter Tissi Lawen. Je vous rassure. Voilà. On le remettra encore une fois. On en a d'autres. Bien sûr que les gens ont capté, mais franchement, c'est une très belle découverte. C'est vrai. Parle-nous de ta prochaine découverte, parce que alors là, moi, je découvre. Alors là, Bicifre. On traverse la Méditerranée, on traverse la France, on traverse la Manche, faut mettre un pull, sans faire de jeu de mots, et on arrive au Royaume-Uni. Dans cette île totalement improbable. Oui, c'est ça. Où rien ne se fait comme ailleurs. Non, avec Cannock Chase, c'est une chanson introspective qui est vraiment inspirée de la nature anglaise. Donc c'est assez doux, assez spirituel, hein, comme les Anglais savent si bien le faire. Et cette chanson, Cannock Chase, que vous allez écouter, ça va vous rappeler certains morceaux de la vie, enfin de la vie des années 70, voire même dans certains films. C'est très années 70, toi, aujourd'hui, hein. Ah, bah toujours, hein. T'es un peu dans la nostalgie. C'est l'année charnière, c'est la décennie charnière, hein, quand même, hein. Faut dire qu'il y a eu pas mal de d'œuvres. Alors, je vous propose repartir. Of my car with my arms around my guitar, and the rain falls from the roof of the world. Nothing around, just the trees and the ground. There's a bird in a tree singing his song just for me, just for me. Et voilà, la bicifre avec Canuck Chase. Très très belle révélation, j'adore. Je suis fan, je vais écouter ça toute ma soirée. Bah voilà, voilà, déjà une bonne chose. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la bicifre? Alors déjà, il s'appelle, en fait, il s'appelle, hein, parce qu'il est encore en vie, vivant, ce monsieur qui n'est pas jeune. Donc il a fait toute sa carrière, hein, principalement dans les années 70-80. Il s'appelle à l'origine Claudius Afolabicifré. Ah oui. Voilà, c'est quand même très chantant tout ça. Donc c'est vraiment, il est dans le soul, le funk, le jazz. Et c'est à la fois un compositeur, interprète, mais aussi un poète et un dramaturge. Et alors, petite anecdote, il a créé la chanson It Must Be Love, qui a été très reprise par Madness. Oui. Voilà. Et c'est quand même quelqu'un qui a été beaucoup dans les charts anglais. Hein, donc il était, il a eu une belle carrière qui s'est un peu étirée dans le temps. Mais là, belle révélation pour aujourd'hui. Ah oui, oui, la bicifré, à ne pas confondre avec l'allo chiffrine. Non, rien à voir. Parce que, non, mais la prononciation. C'est du classique. La prononciation peut. Peut prêter à confusion. Tout à fait. Il vaut mieux prêter à confusion que donner à réfléchir, comme qui dirait. Alors, attention. Bon, on a un petit. Heureusement qu'on a Jeff là, qui nous écoute, parce qu'il nous dit aussi des choses auxquelles on n'a pas pensé. Mm-hmm. Donc, quand on a parlé de Tissi Lawen, Jeff nous disait que ça rappelle un peu du Amadou et du Myriam. Amadou et Myriam, oui, c'est vrai. Voilà, Amadou et Myriam, c'est ensemble. C'est un duo. Oui, c'est un duo. Le dimanche à Bamako, tu connais? Non. Ah bah je la mettrai tout ouais, à l'heure. Ouais, tu ne la mettras. Exceptionnellement. Okay, okay. Et on a aussi un petit message de Claire qui nous met « Ces musiques venues d'ailleurs illuminent mon après-midi ». Oh bah, merci, c'est exactement ce qu'on a envie de faire pour vous le dimanche après-midi quand on est sur ce thème de musique du monde. Et je remercie les auditeurs qui nous ont poussés à refaire cette émission spéciale. Parce que c'est vrai qu'elle devait être faite fin du mois, voire le mois prochain. Mais au vu de l'engouement, on se fait plaisir avec vous. Ben oui, puis nous-mêmes on s'étonne, on se propose des choses que l'autre ne connaît pas. Et c'est comme ça qu'on avance ensemble. C'est vrai. Allez, je vous propose de partir. Buena Vista Social Club. Voilà, dans deux pays différents, au Cuba et en Turquie. Alors pour le premier, au Cuba, Alex. Oh, moi je veux bien en parler parce que Buena Vista Social Club, ça a été une énorme révélation pour moi. C'est ce film documentaire que Wim Wenders a fait à la fin des années 90. Et il a remis sur le devant de la scène tous ces merveilleux chanteurs et musiciens cubains qui avaient été évidemment oubliés à cause de l'histoire cubaine. Et là, on a découvert Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Omar Portuondo, je dis un peu de mémoire, parce que des gens qui avaient vécu dans l'ombre pendant des 10 décennies. Et grâce à ce film, ils sont revenus tellement sur le devant de la scène, au sens propre comme au sens figuré, ils ont commencé à faire des tournées dans le monde entier et tout le monde a pu apprécier leur qualité et leur créativité artistique et leur humanité aussi, hein, parce que des gens qui ont vécu à Cuba comme ça, dans l'ombre, alors qu'ils avaient un tel don en eux, il était temps qu'ils se soient offerts au monde. Oh, c'est excellent ça. Ouais. Et donc là c'est Chan Chan, c'est un morceau très très très emblématique de Cuba. C'est, voilà, ça fait vraiment partie du patrimoine cubain et grâce à eux ça a fait le tour du monde. J'adore ce morceau et vraiment allez voir ce documentaire. Si les gens se disent « Ah, c'est un documentaire, ça m'intéresse pas trop », mais c'est tellement beau. On rentre dans la vie de tous ces interprètes qui ont gardé une jeunesse. Ce sont des gens, hein, quand on les découvre, là, ils ont tous 60, 70 ans bien sonnés. Et ils ont gardé cette pétillance dans les yeux. C'est vraiment chouette. C'est et dans le documentaire, on les découvre chez eux à Cuba. Et on les découvre aussi sur scène. Et on voit le bonheur que c'est pour eux de rencontrer enfin le public auquel ils avaient droit. C'est très beau. C'est bien dit. Je t'en prie. Ben voilà, n'hésitez pas. Je parle pas. Bien de ce que j'aime bien. Ben c'est normal. Et après, je vous propose de reprendre l'avion et de repartir en Turquie avec Cengiz Kosruner, avec une célèbre chanson. Cherry Cherry Lady, qui a été adapté, mais c'est une adaptation à l'oriental de ce tube non pop européen qui illustre l'appropriation à un point carrément local, extra-local, des succès internationaux. Alors vous allez voir, le mélange oriental et guitare, ça sonne super bien. Ça sonne super bien, c'est une belle rencontre. Ah ouais, ça donne vraiment envie d'écouter. Et vous allez voir, bon après c'est vrai que c'est moins dynamique que la chanson originale. Oui, mais c'est adapté aussi au goût, et c'est ça qui est bien, hein, c'est de faire des adaptations, je ne peux pas mieux dire, et chacun s'y retrouve. Tout à fait, tout à fait. Donc je vous propose d'écouter ces deux superbes titres, et on se retrouve tout à l'heure après cette petite pause musicale. À tout de suite. Nous sommes les seuls à proposer ça, alors restez à l'écoute. Yeah. Alors tu me permettras de préférer l'original. Oui. Ça balance un tout petit peu plus. Ah, oui. Là on a l'impression qu'ils ont ralenti. Ouais, mais je trouve que c'est... C'est autre chose. Plus sympa. C'est autre chose. Ouais, ce genre d'interprétation, j'aime bien. Il faut de tout. Il faut de tout. Allez, on fait un petit tour du côté de Cognac G. Oui, alors, on a des petits messages très mignons qui viennent d'arriver. Donc, on a Paul qui nous met pour mon dimanche à la maison avec la radio allumée. On aime bien accompagner les gens comme ça, tout dans leur quotidien. On a un petit message en B2B, comme on dit, de Marc à Sophie. Marc dit, Sophie, ce moment musical est pour toi aujourd'hui. Voilà. Elle comprendra, oui. Je l'espère. Oui. Et Julien, une pensée partagée au fil des sons du monde. Beau travail à vous. Merci. Beau travail à Loïc, hein, parce que moi, je n'ai rien fait. Oui. Je suis arrivée la bouche en cœur. Voilà. Ça, la bouche, on sait qu'elle est arrivée. Hein, ça, ça ne changera pas. Hein. Je te l'ai servi sur un plateau. Ah, hein, bah là, ouais. La maison est généreuse. Il y a la des maison moments. Est généreuse. Je sais qu'avec ça, je vais être virée. Bon, bah voilà, hein, comme ça. Évidemment. Il n'y a pas de surprise. Et je fais aussi un petit clin d'œil à Vevin qui nous écoute sur le chemin du retour. Voilà, qui apprécie aussi la musique. Vous l'écouterez mercredi 20h avec Jeff pour Rétro 80. Il sera de retour. Ça sera Allez. Chouette. Allez, un petit voyage désormais en Estonie. On va revenir à l'époque de l'URSS avec College. Alors, c'est du bon, c'est du traduit en français dans le texte avec Mets Neidud Vael. Alors, c'est de l'estonien. Je vais pas, je peux pas vous le prononcer. Je ne sais pas. Oui, c'est de l'estonien dans le texte. Hein. Voilà. Et c'est tiré d'un vieux disque qu'on avait avec c'est un rare exemple de funk estonien. Voilà, c'est une bande son assez rarissime de l'époque soviétique, parce qu'effectivement on a hâte d'écouter ça. On a du mal à retrouver ces chansons là. Et c'est influencé ils les ont gardés pour eux, dis donc. C'est influencé par la soul et le groove occidental. Effectivement, c'était la période où voilà la soul émergeait, le funk aussi. Et bien sûr, hein, il n'y a pas que la France et les États-Unis qui étaient pionniers en la matière. Ils avaient leur façon d'interpréter la musique occidentale. Mais écoutons. Écoutons tout de suite. Écoutons ça. Oui. Mirlen kol meksisu saare. Mirlen kol meksisu saare. Kust me kolmi kokku saame. Kust me kolmi kokku saame. Meie vahele Vaariku meie vahele Antenne 87 vous accompagne où que vous soyez. Retrouvez nos programmes, nos sélections musicales et toute votre ambiance sonore préférée dans une seule appli. C'est simple, allez dans Google Play et téléchargez l'application Antenne 87. Emportez votre radio partout avec vous. J'adore, moi, le soviet funk. Oh bah là, franchement, si tu m'avais dit que c'était du funk soviétique estonien, j'aurais pas cru. Tout simplement. Hyper planant, super inspiré, j'ai adoré. Ah, le soviet funk, c'est super beau. Ah non, c'est vraiment pas du tout ce que l'on pense que ça va être. Ah non, rien à voir. C'est pour ça que je l'ai mis dans la bande-son. Mais tu nous gâtes. Tu nous gâtes de ces petites niches, ces petites pépites. Ah non, pas le nougat, ça colle aux dents. Non. Alors, on a un petit message de Véronique qui met pour ma meilleure amie qui m'a fait découvrir l'émission. Et ça, moi, j'adore. J'adore quand les gens parlent de nous. En disant, mais écoute, il y a des super sons, il y a des découvertes, on passe un bon moment. Son petit flattage d'ego. Mais non, c'est pas du tout de moi dont je parle, c'est le vecteur radio qui est formidable parce qu'on peut partager voilà, des amis qui peuvent être au bout du monde en ce moment et qui écoutent la même radio en même temps. Et voilà, j'aime l'idée. La meilleure des façons, c'est le bouche à oreille. Absolument. Aïe. Absolument. Allez, je vous propose de partir en Colombie, mélangé avec des chanteurs, des compositeurs du Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une relecture moderne de la cumbia traditionnelle. Donc, tu sais ce que c'est que la cumbia? Absolument, mais je te laisse expliquer. C'est la musique traditionnelle colombienne. D'accord. Mais avec un petit mélange afro-colombienne. Ah oui, il y a des beaux mélanges là quand même. Bah, et je vous propose de redécouvrir ce magnifique titre avec Cumbia Sobre el Mar. Et 6 minutes de bonheur. Quantique. Oui, du groupe Quantique. Quantique. On en parlera tout à l'heure. Si tu veux. C'est toi le patron. Je sais. Allez, à tout de suite. 15h passées des 31 minutes. Vous êtes toujours sur Antenne Dimanche, spéciale musique du monde, en compagnie d'Alex et ma pomme. Allez, à tout de suite. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. cumbia sobre el mar. Très très sympa, très dansant. Hein. Moi j'ai commencé à bouger un petit peu, toi un peu moins. Ah c'est doux. Hein, c'est... Il va falloir encore un petit peu de temps pour bouger ton body. C'est ça. Est-ce qu'on va y arriver d'ailleurs dans cette émission? Je ne sais pas. On verra bien. Est-ce qu'on a reçu des dédicaces? Oui, on a reçu des dédicaces. On a Thomas qui nous dit que... En cuisine, pendant la préparation du repas de ce soir, il nous écoute. Ah bah voilà. Alors moi, je veux savoir, Thomas, c'est super, mais que prépares-tu pour ce soir? Oh la curieuse. Fais-nous un petit peu saliver. Mais moi, j'adore parce qu'on a aussi Claire, peut-être que c'est la Claire de tout à l'heure, qui continue à nous écrire, qui nous dit qu'elle est à la maison avec les enfants, en musique avec nous. Et on a aussi Marcel. Nous, on vous écoute depuis le boulot et on garde le sourire. On a Julie qui nous dit qu'elle est sur le trajet de retour de fin d'après-midi. Et moi, j'adore penser aux gens qui font des tas de trucs en nous écoutant. La preuve. Repassage, bricolage. On est sur la route, on est seul, on est accompagné. Et écrivez-nous pour nous dire ce que vous faites cet après-midi en écoutant nos morceaux tellement exotiques. On a envie de partager ça avec vous. Et puis on a Wilfried. Ah. Wilfried, le retour. Wilfried qui nous dit bonjour à vous deux. Merci Wilfried. Bonjour. Alors, étant vacances, j'oublie tout, rien à foutre de tout. C'est vrai, il est en vacances tout le mois de janvier. Il est en vacances, il nous demande un petit morceau, Mdou Mokhtar, avec spécialement Afrique Victime si possible. Bien sûr. Wilfried, vos désirs sont des ordres. C'est prêt, on va le passer tout de suite. Voilà, et il va nous promettre un morceau qui réveille. Eh ben c'est parti. C'est quasi fait. 7 minutes de bonheur pour la connaître, cette chanson, oui, c'est vrai que... Ah, c'est 7 minutes quand même. Ouais, elle est belle. On a intérêt à aimer alors. Eh ben ça nous fera une petite pause. Et tout de suite alors, Mdou Mokhtar, alors Afrique Victime. A tout de suite. Vitrine François à Cézanne. Vous êtes sur Antenne 87, votre radio locale. Chaque jour, infos, documentaires et les grands classiques de la musique des années 50 à 95. Antenne 87, la proximité, la culture et le son qui vous accompagne. voilà, Mdou Mokhtar sur Antenne 87 avec Afrique Victime. Magnifique, merci ah oui. Wilfried. Merci beaucoup. Merci. Bon, je connaissais Mdou Mokhtar justement, du groupe Tina Riwen, justement, un groupe nigérien. Mmh. Alors pour la petite histoire, c'est un auteur-compositeur et musicien Touareg basé à Agadez, au Niger. C'est un des premiers musiciens à jouer des adaptations électroniques modernes et de morceaux. Ah oui, ça envoie du flow. De guitare berbère. Mmh. Alors justement, fort de son succès en Europe et aux États-Unis, Mdou Mokhtar est devenu ces dernières années l'un des principaux ambassadeurs de la cause des Touaregs. Il bénéficie notamment d'une réelle notoriété aux États-Unis. Effectivement, il est plus connu aux États-Unis qu'en Europe, mais il compte parmi ses musiciens un bassiste américain. Il incarne parfaitement la relève du rock Touareg, comme on a pu entendre aussi tout à l'heure avec les Tissi Lohen, qui est un rock un peu plus doux, forcément. Et Mdou Mokhtar, bah, c'est toujours dans la même... toujours la même catégorie, avec un rock assez dynamique. Un rock très profond. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé ce morceau, parce que ça, quand même, ça commence comme une complainte, hein, Afrique victime, etc. Et on sent qu'il y a de l'énergie, qu'il y a de la force, qu'il va y avoir du courage dans tout ça, face à l'oppression. Et j'ai adoré ce morceau. Et en plus, je dois préciser que tu as un peu dodeliné de la tête. Donc le rythme commence à rentrer en toi. Ah oui, bah ça, de toute façon, j'adore, moi. Non, c'était très bon. Merci, Wilfried. Oui, merci beaucoup. Ouais, c'était vraiment péchu. C'était plein d'énergie. Réveille. Plein de détermination. Ça réveille. Alors, ce qui nous tient très éveillés aussi, hein, c'est le son, mais c'est aussi les mots que vous nous envoyez. Alors, on a Nico, qui lui est en plein rangement de la maison. Et il le fait en musique. Et il nous met belle musique d'ailleurs, ça change un peu. Oui, c'est ce qu'on a voulu faire avec ce petit rendez-vous mensuel. Anne, qui profite du calme du dimanche pour nous écouter. Donc là, elle, c'est autre chose. Elle a dit, j'écoute vraiment, je me pose. Et c'est ça aussi, les dimanches après-midi, avec Antenne 87. Et puis Luc, qui nous écoute depuis la voiture sur la route. Alors Luc, attention, on ne met pas de message dédicace pendant qu'on conduit. J'espère qu'il y a copilote. Attention, j'espère aussi. Attention, hein, faites attention sur la route. Bon, après, maintenant, avec ses téléphones, maintenant oui, tu parles au téléphone. C'est vrai qu'on dit, etc. Maintenant, moi, je le fais très mal parce que je suis vraiment pas douée, mais c'est vrai que c'est possible. En tout cas, je ne rate jamais une occasion de dire attention sur la route. Ça glisse. La lumière va commencer à faiblir un peu. Il va de nouveau faire très, très froid. On a Sarah qui nous parle aussi de sa sœur, Cynthia. Elle écoute depuis le salon, bien installée. Ben, bien sûr, installez-vous tranquillement. Prenez une boisson chaude, réconfortante. Et laissez-vous évader par tous ces morceaux tellement exotiques que Loïc vous a proposés. Concoctés. Concoctés, listés, mis bout à bout. Ça va être magnifique. Là, je vous propose de partir en Espagne avec Paco de Lucía, Entre dos Aguas. Donc, ah là, t'as pas l'accent, c'est Paco de Lucía. Ah bah, voilà. Oui, vas-y, fais-le. Ah ben, c'est Paco de Lucía. Voilà. J'adore. Entre deux eaux. C'est pas son vrai nom. Ah non, tu connais? Non, je connais pas, mais attends, parce que je suis allée voir. C'est un chef-d'œuvre du flamenco moderne qui intégrera jazz et une liberté rythmique, typique, hein, bien sûr, de l'Espagne. Et là, on sera fin des années 80. Ouais, alors Paco de Lucía, à l'origine, il s'appelle Francisco Sanchez Gomez. Mais je pense qu'il s'est dit, c'est pas assez original, voilà. Sanchez Gomez. Paco de Lucía, c'est beaucoup plus original. Bon, moi, j'aime beaucoup parce que j'adore la musique flamenca. Et il faut savoir que ce gars-là, qui a une très très belle carrière, hein, il est évidemment andalou, hein, ça ne s'invente pas. Il vient de Cadix. Et il a vraiment fait rentrer la culture flamenco dans tous les foyers du monde. C'est-à-dire que je crois qu'avant lui, ça n'avait pas autant voyagé. Et en fait, non seulement il a popularisé le flamenco, enfin la musique flamenco, ou flamenca, on peut dire les deux, je crois, mais il est aussi reconnu comme étant sans doute l'un, si ce n'est le meilleur guitariste flamenco du siècle dernier maintenant. Oui, siècle dernier, oui. Voilà. Est-ce que je peux faire une petite aparté? Allez, vas-y, on t'écoute. Je fais une petite passerelle avec ma prochaine émission de Confidence Musicale samedi prochain, parce que j'aurai le grand plaisir de recevoir une prof de flamenco, justement, imagine-toi. Voilà. Donc on va pouvoir tout comprendre de cette danse qui signifie tellement, qui véhicule tellement de choses, et la culture flamenca à laquelle elle est rattachée. Donc je me réjouis de recevoir Sophie, prof de flamenco, qui va nous faire découvrir son univers culturel. Voilà, samedi 11h. Samedi prochain à 11h, ne ratez pas ce grand rendez-vous musical, et qui va danser aussi un peu. Ça va un peu taper du pied, hein. Peut-être qu'on aura une petite démo en direct, ça serait sympa. C'est tellement percussif, le flamenco, ça devrait bien passer à la radio. Sûrement. Allez, tout de suite, entre deux eaux. Voilà, je le traduis en français, c'est plus simple, parce que j'ai pas l'accent pour. Allez, à tout de suite. vraiment. C'était à la croisée des chemins. On sent que c'était pas que du flamenco là. Hein. Mm-hmm. Il y avait de la bossa, il y a du jazz un peu. Un beau mélange. C'était un beau mélange, oui. Une belle réussite. Hein. On adore. Ça donnait envie de. Là, ça donne envie. Tu sais, tu te poses, tu ne bouges plus, tu lis un bon bouquin, et puis fini. Donc, je pense que c'est ce que certains auditeurs doivent faire. Mais avec une écoute très attentive. Hein. Bien sûr. Allez, vous nous envoyez vos dédicaces sur antenne87.fr, l'onglet participer, puis vous nous mettez ce que vous voulez. Un petit mot, un vœu pour 2026, un choix de musique. Mm-hmm. Et on se fera un plaisir de le passer immédiatement, ou presque. Voilà. Alors là, la chanson qui va passer, c'est une chanson de saison. Pourquoi ? Parce qu'on part dans la Suède des années 80. Avec le groupe Freestyle à la Bala Robotar. Donc c'est du synthé-pop scandinave, typique bien sûr hein, des années 80, comme vous pouvez entendre la plupart du temps. Et non, ça n'a rien à voir avec ABBA, mais c'est un groupe qui a le mérite d'être diffusé. Donc, on est vraiment de saison là, avec le froid, la neige. Oui, c'est ça. Il nous manque un petit sauna. Oui. Hein, ouais, tu vois, ouais. Ça serait sympa hein, d'avoir un petit sauna. On va en faire construire dans la cour si tu veux. Ça serait pas mal. On te verra tous les jours ici. Oui, c'est ce que j'allais dire. Fais gaffe parce que je viens déjà pas mal. Ah ouais. Donc là, moi, si tu m'installes un sauna, t'es cuit. Ah ouais, bah là, ça va être t'es compliqué. T'es cuit. Hein, faut juste me virer très très vite. C'est moi qui viendrai moins surtout. Allez, à tout de suite. Freestyle à la Bala Robotar. 16h pile. Vous êtes toujours sur Antenne 87 dans votre émission Antenne Dimanche, spéciale musique du monde. Ce 4 janvier. Allez, à tout de suite. Déjà le 4. Sans surprise, ça sonnait vraiment les années 80 avec la petite touche scandinave. Hein. On ne vous a pas menti sur la marchandise. Et je vous propose désormais de repartir un petit peu en Kabylie avec un groupe assez rare qui n'a malheureusement duré que 2 ans. Et ces trois femmes, donc le groupe s'appelle Djurdjura, qui est le nom de la chaîne de montagne qui se situe en Kabylie, le Djurdjura. Et là, je vous propose de découvrir Machi Tagwaza. C'est une chanson kabyle engagée, porteuse de mémoire et très forte de l'identité amazigh. Voilà, donc comme je vous disais, trois femmes. Alors, pour l'époque, c'était assez compliqué pour les femmes de chanter à cette époque, surtout en 1974, avec ce titre assez symbolique, Machi Tagwaza. Allez, à tout de suite. Yeah. Et voilà le groupe Djurdjura sur Antenne 87. Alors pour la petite histoire, Djurdjura, donc comme je vous expliquais, hein, il emprunte le nom au Djurdjura, la plus longue chaîne montagneuse de la Kabylie. Et c'est un groupe de trois, composé des trois sœurs. Bien sûr, trois sœurs, donc Kabyle. Donc nous avons Djura, Mala, Fatima. Donc trois chanteuses Kabyle. Et pour la petite histoire, assez drôle, on va dire, le groupe est né à Épinay-sur-Seine. Ah oui, en effet. Passerelle. Et moi, comme je te disais, voilà, donc c'est un groupe Kabyle, mais né en France. Voilà, donc très belle chanson. Cette chanson, par contre, je me suis trompé, c'est pas 74, c'est 79. Donc c'est faut un être de un leur petit premier peu titre. Précis dans la vie, hein, c'est oui, bien. Oui, c'est moi qui je me suis trompé de ligne. Voilà, donc 79, assez sympathique. Et il y a aussi le frangin, qui était le guitariste que tu entendais derrière. Et il y avait la maman qui écrivait les textes, donc Tassadit Abouda, la poétesse qui écrivait les textes. Ah oui, c'est vraiment une histoire de famille. C'est vraiment une histoire. Et c'est marrant parce que quand tu me parlais des trois sœurs, ça me faisait penser aux Corrs. Tu sais, ce groupe irlandais. Et donc, du coup, je me disais, bah non, il manque un garçon. Bah non, en fait, le garçon est bien là. Voilà. C'est un peu le pendant des Corrs pour la Kabylie. Il tient la guitare. Voilà. Il tient la guitare avec ses trois sœurs. Et malheureusement, très sympa. Malheureusement, comme je vous expliquais, ce groupe, bah, il n'a pas duré très longtemps. Voilà, suite à des différents familiaux. Pourtant, ils sont vraiment restés ancrés. Hein. Djurdjura, ça parle à plein de gens. Bien sûr. Moi, je connaissais de nom, hein, sans connaître vraiment ce qu'ils avaient fait, mais ça a bercé aussi notre jeunesse. Oui. C'était sympa. Et tu vois, sans savoir, on parlait de passerelle tout à l'heure, sans savoir, là, j'écoutais, il y avait des petites tonalités presque un peu asiatiques, je trouve, dans leur musique. Hein, c'est marrant. Tu vois, comme quoi, bah, tout se ressemble, hein, tout s'aligne. Tout se ressemble. On a des dédicaces. Et justement, cette chanson, voilà, c'était un petit clin d'œil aussi parce que nous avons fêté le nouvel an le 1er janvier et eux vont fêter le nouvel an berbère, donc le Yenayer, le lundi 12 janvier 2026. C'est bientôt, c'est dans une semaine. C'est très bientôt, voilà. Donc, pour ceux qui nous écoutent, ben, en se débrouillant bien, en fêtant tous les nouvel an, on peut faire une sacrée belle fête. Ah bah là, oui. Oui, entre le nouvel an berbère, nouvel an chinois, nouvel an européen. Et on peut commencer même avant, en décembre. On a donc des petites dédicaces qui tombent, qui sont très, très, très sympathiques. On a Karine qui lance cette petite dédicace pour son ami Fred, qui est fidèle à l'antenne depuis des années. C'est ah cool, bah, merci, ça. Merci, c'est cool. Beaucoup. Sophie de Romilly pour les amis de l'asso qui sont à l'écoute. Ah. Donc, il y a toute une asso qui nous écoute, apparemment. On ne sait pas laquelle, on veut bien des précisions. Oui. Comme ça, en plus, ça vous fera un petit peu de pub, les amis. Voilà. Si vous voulez, profitez-en. Ensuite, on a Julien. Tout à l'heure, je demandais à nos auditeurs de nous dire comment ils s'occupaient cet après-midi en les écoutant. Bien, Julien, lui, il bricole. Ah. Voilà. Et on a Monique qui met une petite dédicace à sa sœur Sylvie qui adore la musique du monde. Voilà, Sylvie, j'espère que tu es ravie par ce merveilleux programme concocté par Loïc. Voilà, si ça vous fait plaisir, c'est le plus important pour nous. Allez, je vous propose de repartir en Grèce avec Giannis Katevas. C'est pas au Yenotane comme le mois dernier, mais c'est au Zitianos Tis Agapis. Rien à voir. Alors, ce titre ne vous dit rien, mais la chanson va vous dire beaucoup. Ah, voilà, donc c'est une chanson assez proche du Rebetiko, mais vous allez bien reconnaître la chanson donc, qui était interprétée. J'espère, parce que là, j'ai rien compris à ce que tu as dit. Hein. Ah, oui, il y bah... avait beaucoup trop de grec dans la phrase. Est-ce qu'on peut danser dessus Oui. Un peu le sirtaki. Mais t'attends que je me tourne. D'accord, ok. Il y a des horreurs que je ne veux pas voir. Allez, 16h14, tout de suite, Giannis Katevas. Παραθυρό σου νύχτες ξαγρύπνω. Λίγο το χαμογελό σου πιες να δω. Μόνο αγάπη σου ζητάω, μη μου τ' αρνηθείς. Βγες και πες μου σ' αγαπάω να χαρείς. Κι αν ζητιάνω με φωνάζουν κι αν με λένε τρελό, δεν με νοιάζει που το λένε, δεν σε ξέρουν και το λένε. Ο ζητιάνος της αγάπης πες πως είμαι εγώ. Λίγη αγάπη σου γυρεύω μόνο. Να τα να μπορώ, να τα να γινότανε, πλάι σου να πω. C'est du rock psychédélique brésilien. Qui n'a pas trouvé son public. Non, visiblement. Qui n'a pas fonctionné du tout à l'époque. On voilà. Se demande pourquoi. Bon, après, ça va. Il y a pire. Bah oui, franchement. Il y a pire, honnêtement. Oui, non, non, mais ça s'écoute tout à fait. Ça a le mérite d'être écouté quand même. Ouais, ouais. Et alors, moi, j'ai vraiment adoré le morceau d'avant. la petite reprise de Enrico Macias par un grec là. Ouais. J'ai trouvé que ça fonctionnait super bien. Ouais, ça franchement, donnait la bien. Mélodie avec la langue grecque, ça, une vraie rencontre. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, il faut dire que Giannis Katevas, qui était le Tom Jones grec, avait tendance à beaucoup reprendre les musiques, que ce soit orientales ou occidentales. Moi, quand tu mets Tom Jones dans une phrase, déjà, je me sens mieux. Bah voilà, bah c'est Giannis Katevas, c'est pour ça que je dis le Tom Jones, comme ça, ça parle à tout le monde. Ouais. Ou le Julio les essuie-glaces, enfin voilà. C'est-à-dire un mec brun poilu. Non, c'est Demis Roussos. Ah pardon. Tu t'es trompé, qui est un très bon chanteur aussi. Alex, calme-toi. Oui, tu te calmes. Ah. Je vais me calmer, j'ai les messages. Commence pas à sortir tes fantasmes. En tout cas, ne pas les partager. Mais non, surtout voilà, ne les partage c'est pas c'est l'antenne. C'est pas la peine. Hein. Non, on veut dormir. Surtout voilà, Patrick qui met une dédicace pour sa mère, qui ne rate jamais l'émission du dimanche. Donc, il faut que je me calme un petit peu quand même, parce que c'est aussi une émission de famille. Oui. Donc, voilà. Alors, Patrick, merci beaucoup. Bonjour à la maman, qui écoute notre émission régulièrement. Assidûment. On a aussi Isabelle, qui envoie une petite dédicace pour son papa et sa maman, qui sont bien installés devant le poste. C'est parfait, gentil. Ça. C'est très on gentil. On adore cette idée d'être écoutés tous ensemble, là, voilà. N'hésitez pas à nous envoyer des petites dédicaces sur antenne87.fr, onglet participer, et vous nous dites ce que vous faites cet après-midi avec nous. Eh ben, je vais faire aussi une dédicace. Je fais une dédicace à mes parents, et donc papa et maman qui m'écoutent. Ben, c'est parfait. Enfin, qui nous écoutent plutôt. Ben, c'est génial. Voilà, bonjour papa et maman de Loïc. Ouais, gros bisous. Ça, c'est chouette. Eh ben, justement, je vais rebondir sur la petite dédicace de Wilfried tout à l'heure. Où tu vois, sans se concerter, on a pu embrayer correctement sur une musique qui s'appelle Too Mast du groupe Tina Riwen. On en parlait tout à l'heure. On en parlait, on aime beaucoup. Avec la chanson de Mokhtar. Ouais, ouais, ouais. Avec, bah, c'est une hymne à l'identité touareg, avec de la guitare électrique justement. Alors on va écouter tout de suite les Tina Riwen. À tout de suite. cette antenne dimanche avec Loïc et son équipe sur Antenne 87. Et oui, aujourd'hui c'est spécial musique du monde. Et j'avoue que je prends un énorme plaisir de faire cette émission. Parce que déjà ça nous fait voyager, ça nous ramène un petit peu de chaleur, hein, malgré les moins 5 qu'on se paye actuellement. Oui, on a besoin, hein. On a besoin d'exotisme là. Bon, j'avoue que j'aime bien le froid comme ça, ça fait moi aussi bon. J'aime bien, mais on a besoin d'être réchauffé pour bien apprécier le froid à l'extérieur. Et oui. Soyons au chaud chez nous. Et on reste, justement, on va rester sur le même continent, mais on va redescendre un peu plus vers le sud, avec un titre qui s'appelle Saudade de Cesaria Evora. C'est une morna emblématique exprimant la nostalgie et l'exil, et c'est une chanson du Cap-Vert. Oui, très connue, hein, Cesaria Evora. Elle a fait une très très belle carrière, et particulièrement avec ce titre, je crois. Hein. Mm-hmm. La saudade, c'est effectivement c'est la nostalgie. Oui. Une douce tristesse, mais que l'on chérit. Exactement. Que l'on apprivoise. Ah, tu sais bien parler, c'est bien. J'essaye. C'est bien. Et après, on retrouvera un beau groupe qui est le fil conducteur de cette émission avec Laetitia Lawen, encore une fois, avec Nenai Tidet. Donc, ça sera un titre introspectif qui évoquera principalement l'exil et la résistance culturelle. On a beaucoup de morceaux qui se renvoient aujourd'hui, hein. Oui, oui, oui. C'est fait pour. Sur la nostalgie, mais sur ce courage. Oui. Affronter les obstacles et l'éloignement. Effectivement, c'est bien dit. Tu vois quand tu veux. Ah ouais, je fais des efforts considérables. Il faut. Non, ça n'est pas vrai, je ne fais aucun effort ici. Tu te fais surtout plaisir, c'est je le plus important. Je me fais plaisir et j'espère qu'on partage bien ce plaisir avec nos auditeurs. Oh bah, vu les messages qu'on reçoit, je pense que le plaisir est partagé. Allez, 16h28, on se retrouve dans deux petites chansons. Profitez-en, mettez le son un peu plus fort que d'habitude et savourez ces excellents titres. Petit souci, encore une fois, technique qui, voilà, qui joue avec notre patience. On écoute Nenai Tidet, comme je vous expliquais, des Tissi Lawen tout à l'heure.